Quand je suis parti de La Rochelle, quand je suis parti de La Rochelle, je suis parti tout en pleurant, en naviguant ma brunette. Je suis parti tout en pleurant, en naviguant. Qu'avez-vous donc beau camarade? Qu'avez-vous donc beau camarade? Qu'avez-vous donc à pleurer tant en naviguant ma brunette? Qu'avez-vous donc à pleurer tant en naviguant? Regrettes-tu ton père ou ta mère? Regrettes-tu ton père ou ta mère? Ou bien quelqu'un de tes parents en naviguant ma brunette? Ou bien quelqu'un de tes parents en naviguant? Je ne regrette qu'une jeune fille. Je ne regrette qu'une jeune fille. Âgé de 15 à 18 ans en naviguant ma brunette. Âgé de 15 à 18 ans en naviguant. Si jamais je reviens en France, si jamais je reviens en France, je l'aimerai tout en passant, en naviguant ma brunette. Je l'aimerai tout en passant, en naviguant. Je lui donnerai du vin à boire. Je lui donnerai du vin à boire. Dans un beau verre de cristal blanc en naviguant ma brunette. Dans un beau verre de cristal blanc en naviguant. Je lui dirai buvez la belle. Je lui dirai buvez la belle. À la santé de votre amant en naviguant ma brunette. À la santé de votre amant en naviguant.